Chapitre 28e. Le concert fut superbe, comme on dit sur les rives du Volga. Demian connut ce jour-là l'ivresse de ses triomphes absurdes, où la race slave semble mettre toute l'exubérance qu'elle économise le reste du temps. Victor savourait modestement le nectar généreux qui débordait de la coupe, et se grisait absolument comme s'il eût été le triomphateur. Pendant qu'un monsieur de la ville exécutait sur la cithare un morceau aussi insipide que l'instrument lui-même, mais il avait placé 120 billets, la petite Hélène se glissa auprès de Victor et entama le siège en règle du brave garçon. Sa victoire fut prompte et facile. La clé du cœur du jeune infirme était son frère Demian, et la serrure allait toute seule. « Vous l'aimez beaucoup, » dit-elle comme conclusion, quand elle eut obtenu un certain nombre de renseignements. Victor hocha la tête avec énergie. « C'est vous qui avez fait son violon ?»« Oh, pas moi toute seule. Notre ami André m'a beaucoup aidé. Il est très habile, notre ami André. » La petite Hélène resta songeuse. « Je n'ai pas d'amis, » dit-elle. « Ni frère, ni sœur, rien. »« C'est bien dommage, » fit affectueusement Victor. Il était le frère né de tous ceux qui avaient à se plaindre de la destinée. « Maman est très bonne, mais... » Et elle baissa la tête. « Elle n'est pas assez jeune pour vous ?» suggéra Victor. « Ce n'est pas cela. Elle n'aime pas à se déranger. Vous aimeriez aller dans le monde, peut-être ?»« Pas du tout, je n'aime que la musique. »« Quoi alors ?» demanda le brave garçon, pour lequel les convenances mondaines avaient encore une infinité de secrets. « Pas grand-chose. Nous ne sommes pas riches, voilà le malheur. »« Nous ne sommes pas riches non plus, » fit Victor en riant. « Qu'est-ce que ça fait ? Figurez-vous qu'autrefois nous avons demeuré dans des coins. »« Des coins. » Il fallut expliquer à la petite Hélène ce que c'était qu'un coin. Elle sourit un instant, dit « C'est drôle » et reprit son air préoccupé. « Je voudrais gagner de l'argent, » dit-elle en levant les yeux sur l'estrade, qu'elle voyait de profil dans la salle même. « Comment fait-on pour gagner de l'argent ?» Victor indiqua du geste la salle et le public. « Voilà, » dit-il, « le moyen n'est pas mauvais. » La jeune fille soupira. « C'est si difficile, » dit-elle. « Pas pour vous, toujours. Vous jouez du piano comme un ange. On vous paierait cher à Moscou, allez, vous croyez ? J'en suis sûr. Quel dommage que vous ne puissiez pas venir avec nous le long du Volga. Nous ferions des merveilles. » Le monsieur à la cithare rentra, son instrument à la main, avec toute la joie d'un succès mérité, peinte dans l'espace compris entre ses oreilles rouges, ses cheveux blonds et sa barbe rousse. « À nous !» fit Demian, qui rentrait par la porte opposée. Il était allé respirer au dehors, car la chaleur était vraiment intolérable. Il rentra dans la salle, la petite Hélène sous son bras, et fut salué par des applaudissements frénétiques. Il sourit, remercia, se rengorgea, pendant que la jeune fille arrangeait tranquillement la musique sur le piano. Elle éprouvait une joie paisible à entendre acclamer cet artiste, né dans un village et arrivé à un premier prix du conservatoire par la seule force du travail et de la volonté. Le succès de Demian lui paraissait un acte de justice du sort. Après avoir habité un coin, ce héros pouvait prétendre à un palais. Le concert terminé, Demian eut à peine le temps de remercier sa jeune partenaire. Elle s'éclipsa discrètement, escortée de la grosse fille réjouie, qui, pour la circonstance, avait mis sur ses épaules un fichu vert à fleurs jaunes, d'un effet vraiment surprenant. Et elle retourna vers la maison à colonnes, faire du thé à sa maman, qui, ce jour-là, avait eu des palpitations de cœur et s'était tenue au lit. Pendant qu'elle rentrait dans sa vaste et maussade demeure, Demian avait fort à faire pour se défendre contre les amabilités des gens de la ville. On le pressait de donner un second concert. Tous les amateurs lui promettaient leur concours. Madame la Générale, escortée de sa fille, lui faisait promettre de venir prendre le thé le soir même, et tous les jeunes gens, l'appelant par son nom, poussaient à ses oreilles une clameur qui l'assourdissait. Il fallut promettre un second concert pour le jeudi suivant, et la foule enthousiaste se dispersa pour colporter dans tout Yaroslav la grande nouvelle, et vexée convenablement par le récit du triomphe ceux qui n'avaient pas pu ou qui n'avaient pas voulu y assister. Madame la Générale l'avait invité pour ce soir-là tout ce qu'il y avait de mieux à Yaroslav. Les motifs de son changement d'humeur étaient d'une extrême simplicité. Demian ne s'était pas représenté chez elle depuis sa première visite. Le général, ayant eu la goutte, n'avait pu répéter son duo, et notre ami avait eu bien autre chose à faire que d'aller prendre de ses nouvelles comme il l'eût dû. Madame la générale grillait d'envie de recevoir ce beau garçon, et de plus, elle avait eu vent du repas bizarre accepté par lui chez la maman de la petite Hélène. Une jalousie cruelle s'était emparée de son âme, et elle avait résolu de montrer des miennes chez elle à toute la fleur de la ville. À quoi tient le destin des empires ? Démiane avait grande envie d'aller se coucher, quoiqu'il fût à peine 4 heures de l'après-midi. Mais Victor avait grand faim, attendu qu'il n'avait rien mangé depuis la veille, tant le cœur lui battait d'angoisse et d'espérance. Les deux frères ayant décliné une douzaine d'invitations à dîner, sous prétexte de fatigue, se dirigèrent vers leur hôtel, où ils se firent servir dans leur chambre un repas quelconque. Démiane regarda les victuailles avec dédain, fit 3 tours dans la vaste pièce tapissée de papier bleu, brun et blanc, à grand ramage, eut aussi peu favorable au sommeil que n'importe quelle chambre d'hôtel, et se jeta sur son lit. Victor arrêta à mi-chemin la cuillerée de soupe qu'il portait à ses lèvres et le regarda d'un air inquiet. « Va toujours, » dit le musicien, « ne t'occupe pas de moi. Il paraît qu'à chaque concert j'aurai la même courbature. Bah, on s'y fait peut-être, nous verrons au 10e. » Il bâilla, se retourna et essaya de dormir, mais le bruit du dehors rendait le sommeil difficile. La joyeuse animation des tractires allait en augmentant depuis le matin, et l'air frémissait partout sous la vibration des balalaïkas, des tambourins de tziganes, des accordéons et de tous les instruments portatifs en usage dans le peuple. Après quelques vaines tentatives pour trouver le sommeil, Démiane s'assit sur le bord de son lit, se frotta les yeux et dit à son frère « Sais-tu ce que le concert nous a rapporté ?» Victor tira son calepin et lut « Frais, 92 roubles, recettes, 121 roubles, bénéfices nets, 429 roubles qui sont dans ma poche de côté. »« Tant que cela ?» fit Démiane, tout à fait réveillé et sautant sur ses pieds. « Certainement. Penses-tu que j'ai mis du mien ?» Le jeune artiste s'approcha de la table. « Fais voir, » dit-il, « l'argent des Yaroslavsti. »« Il est pareil à ceux des Moscovites, » ajouta-t-il, après avoir feuilleté les billets de banque. « Qu'est-ce que nous allons donner à la petite Hélène ?»« Donne de l'argent à sa maman. Elles ne sont pas riches. La petite me l'a dit tantôt. »« Soit. Nous donnerons. Combien ?»« 25 roubles. » Démiane haussa les épaules. « Tu plaisantes, » dit-il. « 50 ne serait pas trop. Tu crois qu'elle acceptera ?»« Je n'en doute pas. La maman, je veux dire. La jeune fille me paraîtrait désintéressée. »« Eh bien, je vais commander un bouquet pour la demoiselle. Donne une enveloppe pour mettre l'argent de la maman. » Pendant que cette opération s'accomplissait, Démiane sifflait un air populaire. « C'est dommage, » dit-il, « qu'on ne puisse pas avoir un accompagnateur avec soi. Cela éviterait bien du temps perdu, bien des répétitions inutiles. Mais c'est un luxe que je ne puis pas encore me donner. » « Sans compter, » fit observer Victor, « qu'on se donne parfois un maître de cette façon-là. Il y a des gens qui ont un caractère si désagréable. »« Pour cela, oui. Viens-tu ?» dit le musicien en prenant son chapeau. « Si tu n'as pas besoin de moi, j'aimerais autant achever mon dîner. » Démiane sortit en riant et se dirigea vers la demeure d'un horticulteur qu'on venait de lui indiquer à l'hôtel. Le bouquet commandé, notre ami se donna le plaisir de le regarder faire. Les hommes se blasent sur les plaisirs d'envoyer des bouquets. Il paraît que les femmes se blasent aussi parfois sur celui d'en recevoir, bien que cette assertion nous paraisse plus hasardée. Mais les premiers, qu'on les reçoive ou qu'on les envoie, ont une saveur particulière. C'est une jouissance d'élite, une chose qui rappelle à l'esprit ou qui évoque dans le souvenir tout un ordre d'idées fines et délicates. Il n'y a pas plus d'égalité réelle chez les fleurs que chez les hommes. Aucune loi ne fera qu'un riche lourdeau soit devant le monde l'égal d'un être élégant et sans fortune, pas plus qu'un bouquet de tulipes ne produira le même effet qu'une poignée de muguet, et le gardénia ne fera pas songer aux mêmes choses qu'un bluet, si charmant que puisse être le bouquet des champs. Grâce aux associations d'idées, il y a désormais une aristocratie parmi les plantes. Quand le bouquet fut fini, Démiane le regarda avec plaisir. C'étaient les premières fleurs qu'il offrait à une femme, et il savait bon gré à la petite Hélène de lui faire goûter cette jouissance nouvelle. « À qui faut-il l'envoyer ?» demanda le jardinier avec un sourire qui voulait être fin. Au nom de la jeune virtuose, le sourire tomba. La petite Hélène n'était pas une personne intéressante. Cependant, un garçon fut dépêché avec la carte de Démiane. Au moment où celui-ci allait suivre son envoi, un rayon de soleil enfila la rue avec tant d'audace que le jeune homme lui tourna le dos, cherchant l'ombre et ses pas le conduisirent bientôt dans les champs. Il retrouva le soleil, mais derrière un bouquet de grands bouleaux dont les branches échevelées formaient un écran très convenable. C'est à l'ombre de ces beaux arbres que notre ami fit une courte sieste pleine de rêves et de visions. Quand il se réveilla, le soleil se cachait derrière la forêt voisine, laissant flotter dans l'air assez de clarté pour que les objets parfaitement éclairés ne projetassent point d'ombre sur le sol. Cette lumière douce porte aux impressions agréables, et c'est avec un esprit dégagé de tout souci que Démian se dirigea vers la maison à colonnes. Comme il approchait, des sons bien connus frappèrent son oreille. C'était la réduction pour piano de la 4e symphonie de Mendelssohn, qui est tout simplement un hymne à la joie. Les appels empressés des notes élevées, le frissonnement des timbres graves qui semblent accourir vers un but de fête, donnent à l'oreille l'impression d'un beau jour de printemps, clair, ensoleillé, une de ces journées où l'on ne peut pas être triste et où, coûte que coûte, il faut aller courir sous les feuilles encore à peine sorties du bourgeon. Comme elle la jouait, la petite Hélène, cette symphonie joyeuse. Comme elle y mettait cet accent intime et personnel que les forte, piano, accelerando, rallentando, des partitions gravées ne remplaceront jamais, quel que soit qu'on prenne à les noter. Elle jouait comme si elle avait composé elle-même à mesure cette musique qu'on dirait emportée par un vol de papillons. Et les sons s'envolaient dans l'air du soir, lumineux et calme. On eût dit qu'ils allaient rejoindre quelque grand foyer d'harmonie invisible, tout en haut du ciel bleu, où les hirondelles décrivaient leur cercle fantastique. Démian ralentit le pas et finit par s'arrêter. Les fenêtres de la maison étaient grandes ouvertes, mais personne ne s'y montrait. Il attendit que l'allegro fût fini et alors il sonna. La petite Hélène repoussa son tabouret et parut sur le seuil du salon au moment où il pénétrait dans l'antichambre. À la vue du jeune homme, son visage mignon se couvrit d'une teinte rose et elle fit vers lui un léger mouvement aussitôt réprimé. « Vous avez un talent extraordinaire !» lui dit Démian, sans prendre le temps de lui faire la moindre politesse. « Quel beau bouquet vous m'avez envoyé » répondit-elle, comme s'il existait une corrélation nécessaire entre ces deux idées. Ils entrèrent ensemble dans le salon, et Démian vit sur le grand piano son bouquet dans un vase commun, placé de façon qu'on peut le voir tout en jouant par-dessus le pupitre. « C'est vrai qu'il est joli, » dit-il en souriant, « mais c'est le jardinier qu'il faut en remercier. » « Je n'avais encore jamais reçu de bouquet, » dit la petite Hélène en se penchant sur les roses pour les respirer. « Et moi je n'en ai jamais envoyé. Comme cela se rencontre, » fit Démian en riant, « continuez donc votre symphonie. Cela vous fera plaisir, certainement. » « Sans cela, je ne vous le demanderai pas. » Elle se mit au piano sans hésitation et commença le petit allegretto, si modeste, si mélancolique et si simple, ombre atténuée et discrète de ce tableau de plein soleil. Pendant qu'elle jouait, mille impressions diverses peignaient sur son joli petit visage, aussi modeste et aussi doux que la musique. Elle sentait ce qu'avait voulu le maître et, chose plus rare, elle savait le rendre. « Encore !» fit Démian quand elle eut fini. Elle continua, et le minuetto sous ses doigts reprit l'allure fantasque et ondoyante des papillons dans l'air de juin. La joie était revenue aussi bien sur ses traits délicats que dans l'atmosphère du salon, et Démian se déclara satisfait quand elle eut fini. « C'est très bien, » dit-il pendant que la virtuose se reposait en plongeant son petit nez dans son bouquet. « Vous avez grand tort de ne pas jouer toute seule en public. Vous avez de quoi vous faire une réputation dans vos 10 doigts. » « Je n'oserai jamais, » dit Hélène en le regardant d'un air effaré. « Je vous réponds que je n'ai entendu qu'il ne vous valait pas, tant s'en faut. » Elle secoua la tête. « Ici, on ne voudra jamais admettre que je joue toute seule dans un concert. Je ne suis bonne que pour accompagner, et ils le savent bien. Moi aussi, je le sais bien. »« Ce n'est pas mon idée, » reprit Démian. « À propos, quand est-ce que nous donnerons notre second concert ?»« C'est donc vrai qu'il y a un second concert ?» J'en suis bien contente. Nous jouerons tout ce que vous voudrez, dit Hélène, avec une expression de joie enfantine. Démian la regarda attentivement pour la première fois. Quel âge avez-vous donc? Lui dit-il avec un certain étonnement. 19 ans. N'est-ce pas que j'ai encore l'air d'une petite fille? Oui et non, cela dépend. Je vous croyais plus jeune, cependant. Tout le monde me croit plus jeune et m'appelle la petite Hélène parce que je n'ai pas su grandir. Démian la mesura de l'œil. Elle n'était pas petite cependant, mais elle était si menue, si fluette, si délicate. Ses pieds, ses mains, son visage avaient tant de finesse qu'elle avait l'air d'un enfant. En se voyant ainsi l'objet de l'attention du jeune homme, elle parut se troubler et retourna à son bouquet, son grand consolateur et son ami. « Je suis contente aujourd'hui, » dit-elle. « Il y a bien longtemps, oh, bien longtemps que je n'avais été si contente. C'est parce que le concert a si bien réussi. »« Tiens, » fit Demian, « et votre maman ? J'allais oublier de vous demander de ses nouvelles. » « Elle ne va pas plus mal. Elle a resté couchée, ça lui arrive souvent. »« D'être malade ?»« Oui, et de rester couchée. Mais je puis jouer du piano tout de même, cela ne la dérange pas. » « J'avais quelque chose pour elle. »« Je vais le lui porter, » dit Hélène avec empressement. « Qu'est-ce que c'est ?» Demian introduisit deux doigts dans la poche, puis il hésita et rougit. « J'aimerais mieux, » dit-il, « l'envoyer par la femme de chambre. » Hélène appela la grosse fille qui se présenta aussitôt. Elle avait quitté son fichu vert, mais sa figure savonnée était encore luisante. « Portez cela, madame, » dit-il à cette soubrette champêtre, en lui remettant l'enveloppe fermée. Hélène suivit des yeux le message et la messagère, et une ombre s'étendit sur son visage. Elle regarda ensuite le jeune artiste avec un air de crainte et de reproche, mais sans oser parler. À son tour, Demian, décontenancé, s'approcha du bouquet et respira un brin d'héliotrope. « Madame voudrait vous parler, » dit Lyris en revenant. Il la suivit dans une chambre bizarre, meublée plus bizarrement encore. Un lit de camp très bas tenait le milieu de la pièce, et sur ce lit, tout habillé, couverte d'une vieille pelisse de petit gris, la maman d'Hélène prenait une tasse de thé. La cendre et les débris d'une quantité prodigieuse de cigarettes encombraient le plateau posé sur une chaise auprès d'elle. Le petit paravent d'osier, qui avait précédemment garanti les yeux du jeune homme de l'éclat trop cru du jour dans le salon, avait repris sa place devant le lit. Deux ou trois chaises, encombrées d'objets de toilette. Un lavabo dont le pot à eau dépourvu d'anse était en outre légèrement écorné, une paire de pantoufles brodées sous le bord du lit et un jeu de cartes éparpillé sur une table complétaient l'ameublement. « Asseyez-vous, monsieur Marcof, » dit la dame en indiquant au pied de son lit une chaise que la servante épousta avec son tablier avant de la lui offrir. « Il faut que je vous remercie pour la générosité que vous avez déployée à notre égard. Le bouquet suffisait. » Demian sourit. Ce point de vue lui paraissait original, mais il était si surpris de ce qu'il voyait autour de lui qu'il n'eut que le temps de formuler une réponse quelconque. « J'espère, » continua la maman, « que vous porterez bonheur à ma petite Hélène. C'est la première fois que son talent lui rapporte quelque chose. »« Il l'enrichira promptement, je l'espère, » fit poliment Demian. « J'en doute. Nul n'est prophète en son pays, vous savez, monsieur Marcof. Il faudrait quitter Yaroslav. Et sans amis, sans protection, où voulez-vous que deux femmes seules puissent aller ?» Demian hochait la tête approbativement. « Et puis, » dit-il, « sans doute vous tenez à cette maison, à vos habitudes. »« Mes habitudes, grand Dieu ! Il y a longtemps que je n'en ai plus. Je couche sur un lit de camp, vous le voyez. C'est celui de mon défunt mari, quand il accompagnait son régiment. Je me suis marié ici, monsieur. Mais j'ai suivi le colonel dans toutes ses garnisons, et je ne suis revenu ici qu'à sa mort. » « Je vous assure qu'à cette villa, on ne se fait pas d'habitude. »« Vous aimez donc beaucoup Yaroslav ?»« Pas du tout. C'est une ville horrible. L'aristocratie est d'une hauteur insupportable. Jamais ces gens-là n'ont voulu me traiter en égal. Et cependant, par la naissance, je les vaux tous. Mais, colonel, ce n'est pas un grade. Il faudrait être général, et puis je ne suis pas riche. »« C'est égal, monsieur Marcof. Vous vous êtes bien conduit, et je tenais à vous en remercier. » L'artiste se leva, salua, et retourna au salon, où Hélène l'accueillit avec ce même air de reproche incertain. Mais en voyant le calme de Demian, elle reprit son expression ordinaire. « À demain, » lui dit-il en lui tendant la main. « Je viendrai à midi et nous choisirons nos morceaux. »« Vous partez ? Je pensais que vous alliez rester pour prendre le thé. »« Je suis invité chez madame la générale. »« Vous y serez sans doute ? On ne m'a pas invité, » dit-elle en baissant la tête. « On n'invite jamais quand il y a du monde. »« Tant pis pour eux, » fit le jeune homme en fronçant le sourcil. « Cela ne fait pas honneur à leur bon goût. À demain alors. »« Amenez votre frère, » dit-elle timidement en le reconduisant. « Ah, vous avez fait connaissance. Il est si bon. Je crois que je l'aimerais beaucoup. Il viendra, n'est-ce pas ?»« Il sera trop heureux de vous obéir. » La porte se referma sur Demian, et Hélène, de la fenêtre, le vit s'éloigner la tête haute, beau et fier comme Apollon. Lorsqu'il eut disparu, elle retourna au piano, l'effleura du bout des doigts, et sentit son bouquet. Puis tout à coup une idée lui revint, et elle alla trouver sa mère. « Petite, » dit celle-ci en la voyant, « devine combien M. Marcof nous a donné pour le concert ?» Les yeux de la petite se dilatèrent étrangement, et elle ne répondit pas. « 50 roubles, ma mignonne. C'est le premier argent que tu gagnes. Fais le signe de la croix avec pour qu'il te porte bonheur. » Hélène obéit machinalement, puis rendit le billet de banque à sa mère. « Nous allons te faire une robe neuve pour l'autre concert, une belle robe de tarlatane rose. Blanche, maman, s'il vous plaît. Comme tu voudras. Envoie-moi la servante avec ta vieille robe. Que je voie ce qu'il faudra d'étoffe. » Hélène sortit et exécuta l'ordre de sa mère, mais au lieu de retourner près d'elle pour assister au conciliabule, elle s'en alla droit à son bouquet. Le jour baissait, sans s'assombrir tout à fait, comme à cette époque de l'année sous cette latitude. Le salon, moins éclairé, paraissait aussi moins triste et moins nu. La petite Hélène pouvait y rêver à son aise. Elle se mit à marcher lentement d'une extrémité à l'autre de la vaste pièce, s'arrêtant un peu chaque fois qu'elle passait auprès des fleurs, et bientôt, sans qu'elle sût pourquoi, son visage se trouva inondé de larmes. La sérénité de cette journée venait d'être troublée. Par quoi ? C'était bien beau pourtant d'avoir gagné tant d'argent. Gagné. Le premier argent qu'on gagne fait naître tant d'émotions et de pensées nouvelles chez celui qui débute dans la vie. Oui, mais il n'aurait pas fallu qu'il fût donné par Demian. Elle eût été si heureuse de jouer avec lui sans salaire. Pour l'honneur. Elle saisit doucement son bouquet, y plongea son visage tout entier et laissa couler ses larmes sur les roses.